Combien de tartes à moitié bourrée, je suis allé à moitié de ma vie, comme il est loin le temps des amours, le temps des amis. Oh là là là là, attends mon coco. On y va, hein. On recommence. Attention, attention. Comme une tarte à moitié pourrie, je suis arrivé à la moitié de ma vie. Comme il est loin le temps des amours, le temps des amis, des hommes je vis en solitaire, comme une île à l'abandon que je... Comme une tarte à moitié pourrie, je suis arrivé à la moitié de ma vie. Il est loin le temps des amours, le temps des amis. Désormais je vis en solitaire, comme une abandonné, que la misère pour y pousser, je vis une vie de regret à se pencher dans les souvenirs, de se dire que le meilleur peut être le pire, et le pire pour ne pas en souffrir. Comme un paradis que les radiations contaminent, comme les ballons dans le Pacifique, là où la surplage, là où l'armée a pris pas, il n'y a plus de solution à ma crise. L'entreprise va fermer ses employés, licenciés. Un pays en déclin, un pays qui décline. La grande évasion est passée comme une femme que l'on ne veut plus, qu'on ne veut plus. Comme une femme que l'on ne voulait pas décevoir, qu'on a laissé filer comme le ciel, qu'on ne verra peut-être plus comme le gars. Comme la gorge irritée par tous ces trafics d'argent, comme un enfant piétiné par les grands, comme le chacun pour soi et Dieu pour tous, comme tous ces conneries que l'on voit pour faire oublier que le monde est déjà loin. Là, ce vaisseau fantôme qui est dans la matrice, loin de tout, de ces galaxies, je me demande où je suis, si il reste encore un peu de monde pour me tenir en vie, si ça vaut encore la coup de tenir le coup. Car si